I want to sing a song of French girl. I am looking for the piano riff. Thank you. Ah ouais. The song. Me morfondre. Ouais, c'est bien ça. Une nuit que j'étais à me morfondre. C'est où le 3 Alors j'essaye sur Jam Tabac. Oula putain, je suis fort là, non? 1, 2, 3, 1, 1. Vous m'entendez, c'est bon? Ah non, ça fait pareil sur Jam Tabac. J'ai essayé Jam Tabac, tu sais, en version. Oh, Thank you.